C'est bien ici la rubrique d'Aimé Bonaparte ? Oui, la chronique d'Aimé Bonaparte, oui, c'est bien ici. Oui, et ça commence quand ? Ah, vous venez de la manquer, là, c'était il y a 5 minutes. Faut revenir la semaine prochaine, maintenant. Oh, bon, non, alors ? C'était La fille qui cherche où c'est, la chronique d'Aimé Bonaparte. Avec, dans le rôle d'Aimé Bonaparte, Aimé Bonaparte. Dans le rôle de la fille, Jacqueline Boissard. Dans le rôle de ceux qui lui disent où que c'est, la chronique d'Aimé Bonaparte, Henri Pichon, Jacques Tudor, Jacqueline de Coque et Patrick Pichontard.